إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. أبو هريرة عبد الرحمن Ibn Sakhr, qu'Allah l'agrée, a dit « J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Ce que je vous ai interdit, éloignez-vous-en, et ce que je vous ai ordonné, faites-le autant que vous pouvez. Ce qui a causé la perdition de ceux qui vous ont précédés est seulement l'excès dans leurs questions et leur opposition à leur prophète, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. » Comme vous le voyez, mes frères, ce hadith est d'une grande importance. En effet, il porte sur l'obligation d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam et les causes de la perdition des communautés qui nous ont précédés. Et ce hadith, il est rapporté par Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu. Et quel est le prénom d'Abu Huraira? Les gens de science ont divergé à ce sujet. Et l'avis le plus probable est celui qu'a mentionné l'auteur, rahimahullah, c'est-à-dire Abdurrahman ibn Sakhr. Et l'imam al-Wadi'i, rahimahullah, le shaykh Mugbil ibn Hadi al-Wadi'i, rahimahullah, disait quant à lui que son nom, c'est-à-dire le nom de Abu Huraira, est sa kunya. Donc il s'appelait tout simplement Abu Huraira. Et il fut surnommé ainsi, radiyallahu ta'ala anhu, car il avait avec lui un petit chat, Hirra en arabe. Le chat en arabe se dit Hirra. Donc il fut surnommé Abu Huraira. Ceci nous prouve la permission d'avoir une kunya faisant référence à autre qu'un être humain. Comme ici, Abu Huraira faisant référence à ce petit chat. Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, il a donc entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dire « Ce que je vous ai interdit, éloignez-vous-en. » C'est-à-dire, tenez-vous loin de ce que je vous ai interdit. Tenez-vous loin de ce que je vous ai interdit. Ne vous approchez pas de ce que je vous ai interdit. Et dans ce hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne nous a pas seulement ordonné de délaisser ce qu'il a interdit. Mais il nous a ordonné quoi? De nous en écarter. Et ceci est encore plus fort que la simple interdiction. Car ceci comprend le fait de s'abstenir de l'interdit, mais aussi de s'abstenir des causes menant à l'interdit. Et ceci est semblable à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a dit au verset 32 de Sourate al-Isra, « Wa la taqrabu zina » et ne vous approchez pas de la fornication. Ceci indique l'interdiction de la fornication, mais aussi l'ordre de ne pas s'en approcher, c'est-à-dire de s'écarter de tout ce qui peut mener à ce péché ignoble. Et il en est donc de même pour tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit. On s'écarte de l'interdit, mais aussi des causes menant à cet interdit. Il a ensuite dit sallallahu alayhi wa sallam, « Et ce que je vous ai ordonné, faites-le autant que vous pouvez. » C'est-à-dire, accomplissez tout ce que vous pouvez parmi les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce que vous êtes capable d'accomplir. Et tout ce dont vous avez les capacités, alors accomplissez-le. On ne doit donc rien délaisser des ordres du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. À partir du moment où nous avons les capacités, que nous sommes capables d'accomplir l'ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de le mettre en pratique, alors nous devons nous y soumettre. Il apparaît donc, à travers ce hadith, une différence entre les ordres et les interdits. Une différence entre les ordres et les interdits. Et quelle est cette différence? La différence est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet des interdits, écartez-vous-en. Mais il n'a pas dit autant que vous pouvez. Et ce, car l'interdit, il désigne quoi? Il désigne le renoncement, l'abstention ou le délaissement. Et tout homme est capable de délaisser une chose. Tout homme est capable de délaisser et de ne pas faire une chose. Alors que l'ordre, il désigne l'action. Il désigne l'agissement. Il est donc possible que l'homme puisse faire cette chose ou bien qu'il ne puisse pas la faire. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Faites-le autant que vous pouvez ». Ceci nous montre que les termes employés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont des termes précis et il en découle de nombreux bénéfices et nous en verrons certains inshallah ta'ala lorsque nous citerons les bénéfices tirés de ce hadith bi'idhnillah. Il a ensuite dit, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui a causé la perdition de ceux qui vous ont précédés. Qui sont ceux qui nous ont précédés? Il vise ici notamment les juifs et les chrétiens, mais aussi toutes les autres communautés antérieures à l'islam. Ce qui a causé la perdition de ceux qui vous ont précédés, et seulement, c'est-à-dire que rien d'autre n'a causé leur perdition sauf deux choses, seulement ces deux choses. Qui sont quoi? La première est l'excès dans leurs questions. C'est-à-dire qu'ils posaient trop de questions. Et les pires d'entre eux dans cela sont qui? Ce sont les juifs. Et c'est ce qui les a menés à la perdition. Comme lorsque Moussa alayhi salam leur a dit qu'Allah leur ordonnait de sacrifier une vache. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils se sont soumis à cet ordre venant d'Allah subhanahu wa ta'ala et transmis par leur messager Moussa alayhi salam? Non, ils ont commencé à questionner au sujet de cette vache. Quelle est sa couleur? Quelles sont ses caractéristiques? Quelles sont ses œuvres, etc. Alors qu'au départ, il leur a été ordonné de sacrifier une vache, c'est-à-dire n'importe quelle vache, mais ils faillirent ne pas se soumettre à cet ordre. Et c'est leur excès dans les questions qui les a menés à cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a interdit de poser trop de questions. Comme il est venu dans un autre hadith, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah approuve de vous trois choses et réprouve de vous trois choses. » Puis il mentionna parmi les choses qu'Allah réprouve le fait de poser trop de questions. Et nous allons voir, lors de l'énoncé des bénéfices du hadith, plus de détails à ce sujet, incha'Allah ta'ala. La deuxième chose qu'a mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui a mené ceux qui nous ont précédés à la perdition, c'est leur opposition à leur prophète. Leur opposition à leur prophète, c'est-à-dire qu'ils s'opposaient à eux et contredisaient leur prophète, et ceci les a conduits à la perdition. Les musulmans, ils doivent donc prendre garde à cela et tirer des leçons des erreurs commises par les communautés précédentes, et ce afin de ne pas tomber dans la perdition. Nous devons donc prendre garde à quoi ? À l'excès dans les questions, mais aussi à l'opposition ou à la contradiction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car ceci est une des plus grandes causes de perdition et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me préserver ainsi que vous de cela. Ceci est donc une explication concise de ce hadith. Quant aux bénéfices que l'on tire de ce hadith, nous allons en citer quelques-uns inshallah ta'ala. Premièrement, il y a dans ce hadith l'obligation de délaisser tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, et ce dans sa totalité, que ce soit en petite ou en grande quantité. À titre d'exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit al-riba, l'intérêt usuraire. Son interdiction, elle englobe donc toute forme de riba, qu'elle soit en petite ou en grande quantité. Il est donc obligatoire pour le musulman de délaisser Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, et ce dans sa totalité. Deuxièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a le fait que le délaissement est plus simple que l'acte. Et ce car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de nous écarter de tous les interdits. Contrairement aux ordres, qu'il a liés à quoi? Il les a liés à la capacité. Mais les interdits ne les a pas liés à la capacité. Et ce car le délaissement, le fait de renoncer à une chose et de ne pas faire une chose, est plus simple que de faire une chose et que de l'accomplir. Troisièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a le fait que rien n'est obligatoire en dehors de ce qui est de nos capacités. C'est-à-dire que tout ce qui nous est ordonné, nous avons les capacités de l'accomplir. Et nous avons les capacités de nous soumettre aux ordres qui nous sont adressés. Et ce hadith, il nous rappelle la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Craignez Allah donc autant que vous pouvez. Et ceci est le verset 16 de la sourate At-Taghabun. C'est-à-dire que le musulman, il ne doit pas être négligent vis-à-vis des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que des ordres de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Mais tant que tu es capable d'accomplir ces ordres, alors tu dois t'y soumettre. Des fois, il arrive que tu dises à une personne, pour le rappeler à l'ordre, fais la prière ou autre parmi les œuvres de bien. Et qu'est-ce qu'il fait? Tu le vois s'empresser à te dire quoi? Je ne peux pas. Ou alors, je n'y arrive pas. Alors qu'en réalité, il peut. Il peut y arriver. Mais comment il peut y arriver? S'il lutte contre son âme incitatrice au mal. Car cette parole qu'il prononce et sa prétention de ne pas pouvoir, cela ne l'affranchit pas de son devoir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car en réalité, tout ce qu'Allah a ordonné subhanahu wa ta'ala et tout ce que son messager sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, alors nous avons les capacités d'accomplir. Nous avons les capacités de l'accomplir. Et tous les ordres, ils ne sont obligatoires que pour celui qui en a les capacités. Celui qui n'en a pas les capacités, alors l'obligation, elle est levée pour lui comme on va le voir. Tout ceci est soutenu par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. C'est-à-dire que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a imposé et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné, alors nous en avons la capacité. Alors nous en avons la capacité. Et il ne faut pas faire comme beaucoup de personnes font, des personnes qui sont négligentes, qui sont plongées dans les péchés et qui sont plongées dans le délaissement des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et des ordres de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque tu les rappelles à l'ordre, qu'est-ce qu'ils te disent? La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Nous lui répondons, Allah subhanahu wa ta'ala a dit cela pour te rappeler que ce qu'il t'a imposé et ce qu'il t'a commandé, c'est que tu as les capacités de l'accomplir. C'est que tu as les capacités de l'accomplir. Allah subhanahu wa ta'ala nous a commandé d'accomplir 5 prières. C'est qu'on a les capacités d'accomplir ces 5 prières. Allah subhanahu wa ta'ala nous a commandé de jeûner durant le mois de Ramadan. C'est que nous avons les capacités d'accomplir cet acte. C'est-à-dire la majorité des gens ont la capacité d'accomplir cet acte, à l'exception des malades ou autres, et ceux-ci sont des exceptions et ne rentrent pas dans la généralité. Quatrièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a le fait que l'homme a une capacité et une volonté, et ce d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, autant que vous pouvez. Et ce hadith, c'est donc une réfutation de la parole des Jabarites qui prétendent que l'homme n'a pas de capacité et qu'il n'a pas de volonté, mais qu'il est contraint de ses actes. Ils disent quoi? Ils disent que tous les mouvements que tu fais, même le fait que tu bouges ta main, que tu remues ta main ou autre, chaque mouvement que tu fais, ils prétendent que tu y es contraint. Et il n'y a pas de doute que ceci est une croyance fausse et une croyance corrompue, comme le prouve entre autres ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cinquièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a le fait que si l'homme ne peut pas accomplir l'obligation entièrement, il doit alors accomplir ce qui lui est possible de celle-ci. À titre d'exemple, pour la prière. S'il ne peut pas prier debout, alors il prie assis et ainsi de suite. Il accomplit l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala autant qu'il peut. Craignez Allah autant que vous pouvez. Ce que je vous ai ordonné, faites-le autant que vous pouvez. Donc celui qui ne peut pas prier debout, qui est dans l'incapacité de prier debout, qu'est-ce qu'il fait? Il prie assis. Cependant, j'attire votre attention sur un point important, qui est que de nombreuses personnes arrivent à être debout, mais lorsque vient le moment de la prière, ils font le takbir et s'assoient. Et ceci est une erreur, car la station debout est un des piliers de la prière. Et la prière ne peut être valide pour celui qui ne se tient pas debout alors qu'il en a les capacités. On parle bien sûr de la prière, ici, obligatoire. Celui qui a les capacités de se tenir debout, il doit alors se tenir debout durant la prière, sinon sa prière n'est pas valide. Donc certaines personnes qui ont par exemple des douleurs au genou ou autres, tu les vois se tenir debout devant la mosquée, avant la prière, une dizaine de minutes, en train de discuter. Il se tient debout sans aucun problème. Puis il rentre dans la mosquée, il prend sa chaise, il fait le takbir et il commence à prier assis. Et lorsque tu lui dis prie debout, il te dit je ne peux pas, j'ai des problèmes au genou par exemple. Après il termine sa prière, il fait ses adhkar, il sort de la mosquée, il reste encore 10 ou 15 minutes debout à discuter. Nous lui disons donc qu'en faisant cela, il est en réalité capable de se tenir debout dans sa prière. Et le fait qu'il soit resté devant la mosquée avant et après la prière nous prouve qu'il est capable de se tenir debout dans sa prière. Donc, il est obligatoire pour lui de faire la prière debout autant qu'il peut. Puis, s'il ne peut pas se prosterner, par exemple, il s'assoit alors sur la chaise au moment de la prosternation. Mais il accomplit chaque acte de la prière autant qu'il peut. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ce que je vous ai ordonné, faites-le autant que vous pouvez. S'il n'arrive pas à rester debout longtemps, il reste debout autant qu'il peut, il récite ce qu'il peut de la Fatiha, et ensuite il s'assoit, puis se relève pour le rukou', et ainsi de suite, selon ses capacités. Et chacun est différent dans cela. Ceci était donc une parenthèse par rapport à la prière. De la même manière, celui qui ne peut pas accomplir le jeûne à cause d'une maladie ou autre, alors, s'il peut jeûner un jour sur deux, il jeûne un jour sur deux. S'il peut jeûner un jour sur trois, il jeûne un jour sur trois. Puis il rattrape après par la suite ce qu'il peut selon ses capacités. Donc on doit craindre Allah autant que l'on peut et accomplir des ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam selon nos capacités. Sixièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a l'obligation de délaisser les causes menant à l'illicite. L'obligation de délaisser les causes menant à l'illicite. Et ceci est tiré de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Ce que je vous ai interdit, écartez-vous-en. » Et on a dit que sa parole « écartez-vous-en » veut dire « Tenez-vous loin de ce que je vous ai interdit. » C'est-à-dire même ce qui mène à cet interdit, délaissez-le et ne l'accomplissez pas. Mais écartez-vous-en afin de vous prévenir de cet interdit. Celui qui sait qu'il y a certaines faiblesses dans certains péchés, alors il doit faire en sorte de se prémunir et de s'éloigner des causes menant à ce péché. Et ce, afin de ne pas se laisser inciter et de ne pas se laisser entraîner puis ensuite tomber dans ce péché. Donc ce hadith est une preuve que l'homme doit délaisser les causes menant à l'illicite. Septièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a le fait que lorsqu'il te parvient un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne convient pas que tu dises « Est-ce que ceci est obligatoire ? Est-ce que c'est wajib ? Ou est-ce que c'est recommandé ? Est-ce que c'est mustahab ?» Tu ne dois pas rechercher ces détails. Mais tu dois te rappeler que tu es un serviteur soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné de te soumettre aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois donc te soumettre à son ordre autant que possible comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam te l'a ordonné. Après, tu cherches à savoir si ceci est obligatoire ou recommandé dans le cas où quoi? dans le cas où tu délaisses cette chose, et ce afin de savoir si tu as commis un péché et si tu dois te repentir de cela. Sinon, la première chose qui doit te venir en tête, lorsque te parvient un ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est de la mettre en pratique, sans chercher à savoir si ceci est recommandé ou bien obligatoire, mais tu dois t'empresser de l'accomplir. Il y a des gens, lorsque tu leur rappelles un acte, ils te disent « Oui, mais ça c'est mustahab, c'est recommandé. » Comme si le mustahab était quelque chose qu'on devait délaisser. Ils te disent cela comme si le mustahab, les choses recommandées, c'est des choses que l'on doit délaisser. Et inversement pour les choses détestables. Ils baignent dedans et lorsque tu le conseilles de les délaisser, ils te disent « Oui, mais ce n'est pas interdit, c'est juste détestable. » Les valeurs, elles se sont donc inversées. Ils croient que les choses recommandées, il faut les délaisser, les choses détestables, il faut les accomplir. Il n'a pas compris que ce qui est demandé et ce que le musulman doit rechercher, c'est d'augmenter la balance de ses bonnes œuvres en accomplissant les choses recommandées et en délaissant les choses détestables. Et en délaissant les choses détestables, car tu es récompensé pour cela. Tu es récompensé pour ton délaissement des choses qui sont détestables et pour ton accomplissement des choses recommandées. Huitièmement, parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith, il y a que l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son interdiction font partie de la législation au même titre que le Coran. Et il y a même beaucoup de choses que tu ne trouveras détaillées que dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui ne sont venues dans le Coran que de manière globale. Mais le Coran prouve l'obligation de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de lui obéir, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 80 de Surat An-Nisa, « Man yuti'i ar-rasul faqad ata'a Allah » Quiconque obéit au messager a certes obéi à Allah. Quiconque obéit au messager a certes obéi à Allah. Neuvièmement, parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith, il y a la mise en évidence de la bienveillance du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers sa communauté. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en plus de nous indiquer la voie de la réussite, qui est de se soumettre à ses ordres et de délaisser ses interdits, il nous a aussi mis en garde contre les voies de la perdition. Il nous a mis en garde dans ce hadith contre les voies de la perdition, et ce afin que l'on s'écarte de ces voies. Dixièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a le fait que poser beaucoup de questions est une cause de perdition. Poser beaucoup de questions est une cause de perdition, et surtout au sujet des choses que nous ne pouvons connaître, comme les choses de l'invisible, ou encore les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des choses sur lesquelles on ne doit pas chercher à trop approfondir, et on ne doit pas poser trop de questions, sinon cela te mènera à la perte et à la perdition. Également, tu ne dois pas poser des questions qui n'ont pas d'utilité et qui ne te sont pas profitables, ou encore poser des questions sur des choses supposées qui ne se sont pas passées, ou encore des choses qui ne sont pas de ta responsabilité. Tout ceci, tu dois le délaisser, mais lorsque tu poses une question, tu dois poser une question qui te profite, qui a un intérêt pour toi dans ta vie mondaine ou dans ta vie religieuse et pour ton au-delà. Quant au fait de poser des questions utiles au sujet de ta religion, au sujet de la pratique de ta religion, alors il n'y a pas de mal à questionner sur cela, et ce car tu en as besoin. Il n'y a pas de mal à multiplier les questions sur ces sujets, et ce car tu as besoin de cela. Tu dois donc interroger et apprendre afin de ne pas rester dans l'ignorance. Et il faut bien faire la différence entre ces deux choses. Il faut bien faire la différence entre les questions qui sont blâmables et les questions qui sont louables et qui sont demandées. Onzièmement, on tire enfin comme bénéfice de ce hadith une mise en garde sévère contre le fait de s'opposer au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ou de contredire le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, car ceci est une des causes qui a mené ceux qui nous ont précédés à la perdition. Nous devons donc nous soumettre au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, accomplir ses ordres et délaisser ses interdits, et ceci fait certes partie des signes